C'est comme de la fumée là-bas. Comme quelque chose qu'on n'aimerait pas. Et comme de la fumée là-bas. Puis qui vient un peu par là. Puis qui vient même un peu, même beaucoup, même de partout. Et comme de la fumée là-bas. Quelque chose qu'on n'aimerait pas.